chaud. Attends un peu, je vais me réchauffer là, pour venir. Une de l'eau froide. Ma peine. On était à partir à zéro. Oui. Ok, elle s'est parlé un peu. Oui, ben. Oui, partir à zéro, ça veut dire plusieurs choses. C'est une chose qui. L'humain, quand est-ce que l'humain repart à zéro? Après une guerre. Oui. Bon. Après un échec. Voilà. Quand l'humain est convaincu que tout est détruit, là, qu'il n'y a plus rien à faire, que tout est sur le dos, là, il se suicide ou il dit, bon, ben, je vais repartir à zéro. Un divorce, bon. Séparation, ouais. C'est ça. La mort. Sauf qu'on peut repartir à zéro sans avoir à attendre une destruction. Repartir à zéro, ce n'est pas de vivre un échec. C'est beaucoup mieux. C'est exactement comme si tu te dis, j'étais voir un film, j'ai bien aimé le film, et puis un an après, je vais revoir le film. Et en allant revoir le film, eh bien, je comprends les choses que je n'ai pas compris. Je vois les choses que je n'avais pas vues. Et j'entends ce que je n'avais pas entendu. Si le film est extrêmement complexe, on peut le revoir 3, 4, 5, 6, 7 fois, ça ne dérangera rien. Alors, l'individu qui, donc, recommence à voir le film au départ, et quand on dit on repart à zéro, c'est qu'on est ce qu'on est. Donc, on ne peut pas abandonner tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas à zéro, mais dans la structure du cheminement, nous allons repartir à zéro. Exactement comme si on dit, je suis présentement perdu. Et dans un labyrinthe, ça fait bien des fois que j'essaie de me retrouver, il n'y a plus rien à faire. Je connais une grande partie du labyrinthe. Maintenant, je suis perdu. Alors, une des bonnes choses, c'est de repartir à zéro. Sortez-moi de là, torieux, permettez-moi au début, là, puis après ça, je vais me servir de ce que j'ai acquis dans le labyrinthe, et puis maintenant, je vais pouvoir fonctionner un peu mieux. Alors, on peut repartir. Tout à l'heure, en haut, tu me disais, la problématique, c'est que ce qui ne m'intéresse pas, toi, tu es en train de repartir à zéro, donc ça va. Ce qui ne t'intéresse pas, enfin, ce qui n'intéresse pas ton ego, ouais. Ça serait de recommencer 40 fois à repartir à zéro. Oui, parce que j'ai une expérience dans d'autres choses, là, partir à zéro. Puis, je veux pas manquer mon coup. C'est surtout dans cette vision-là. Et c'est pourquoi je dis que, dans ce cas, on repart et on y va lentement. Sûrement. C'est plus une question de se dire, moi, je veux être à telle ou telle place. La question est, moi, je veux être dans tel ou tel état. Mm-hmm. Donc, ce n'est plus de se dire, oui, mais, par exemple, un exemple comme ça. Il y aurait un séminaire particulier que je donne, chirurgie d'ego. Et il y a des personnes, disons, qui s'inscriraient. Moi, je dis aux personnes, je vérifie les individus, je dis, non, tu n'es pas prêt. Et la personne, frustrée, elle avait, bon, elle me prouve qu'elle n'est pas prête, évidemment. Vu qu'elle se frustre. La personne peut se dire, oui, mais je manque encore quelque chose. On doit cesser de penser qu'on manque quelque chose, parce qu'on manque toujours quelque chose. Mais les choses se répètent. Et c'est beaucoup plus facile dans une structure évolutionnaire régie un petit peu par l'ego de faire un séminaire, je prends un exemple de séminaire, mais de faire un séminaire qui se donne la quatrième fois, donc que tu as manqué trois fois, que de dire à un ego, alors descends ici, faire ce que tu as manqué. Et c'est beaucoup plus facile de faire pour la première fois ce qu'on a manqué que de refaire pour la quatrième fois ce qu'on a manqué. C'est préférable d'avancer lentement. Comme je le dis souvent, celui qui avance lentement, il va plus vite. C'est une question d'énergie, une question d'harmonisation de structure énergétique. Et nécessairement, quand c'est bien fait, c'est mieux fait. Et quand c'est mieux fait, on va plus vite dans l'ensemble de l'évolution que si on a un paquet de résultats secondaires ou si on court. Il y a des individus qui ne sont pas encore prêts à repartir à zéro. Des individus qui devront faire encore un bout de cheminement pour après ça se rendre compte que ce serait peut-être mieux de retourner à la petite école. On serait peut-être beaucoup mieux énergétiquement, et c'est vrai. Donc, ils doivent revenir et repartir à zéro. Comme il y a quelques personnes qui, de temps en temps, refont le séminaire. Et la majorité me disent que quand j'ai refait le séminaire, j'ai compris plus de choses que la première fois que je l'avais fait. C'est logique. Pourquoi? Parce que celui qui refait le séminaire, ce n'est pas l'individu qui était là quand il a fait le séminaire. Donc, c'est sûr que techniquement, il repart à zéro. Mais énergétiquement, il est loin de repartir à zéro. Puis quand il a fini le séminaire, il est beaucoup plus haut que n'importe quelle personne qui commence le séminaire. Quand je parle de repartir à zéro, c'est sur toutes les choses. Sur toutes les choses. Ça ne veut pas dire, par exemple, on est marié, bon, comment on se divorce, puis on repart à zéro, on verra, ça donnera. Pour son mari. Ça, ça remériera, on retourne à l'église. Repartir à zéro, c'est au niveau énergétique, c'est au niveau de ce que nous faisons, au niveau de ce que nous avançons, tout ce qui est utile. Un peu comme, par exemple, un individu mange très bien. Bon, il ne repart pas à zéro, il va recommencer à manger très mal, parce que quand il était à zéro, il mangeait mal. Quand je dis partir à zéro, je veux dire retourner à l'école de l'évolution, à l'école de la vie. Donc, c'est comme si on sort de... On est rendu en quelle année? On est rendu en quatrième année dans telle chose, en huitième année dans telle affaire, en cinquième année dans telle bebelle. On a passé de très bons examens en telle technique, on a doublé 20 fois dans telle autre affaire. Et là, finalement, on ne sait plus où on en est là-dedans. On ne peut pas être médecin, parce qu'on a la moitié du cours de médecine. On ne peut pas être ingénieur, il nous manque un tiers du cours d'ingénierie. On a de tout, mais on a de rien. On est spécialiste dans rien, on est bon dans tout. Alors, à un moment donné, on devrait, justement, se dire, j'arrête toute l'affaire au complet, puis je m'en vais, je sors de l'école, là, puis j'ai envie de recogner à la porte. Je me mets une moustache, là, mais non, c'est pour les femmes, c'est plus compliqué. Et puis, mais mettez-en une, ils ne reconnaîtront pas, c'est quoi? Et puis, je rentre. Et puis là, on repart. Toutes les matières qu'on a vite, on les a vite. Toutes les matières qu'on n'avait pas, où on recommence à avoir des complications, c'est justement celle-là qui nous nuisait, quand on était presque rendu au bout là-bas. Alors, c'est extrêmement, surtout dans les années qui viennent là, c'est extrêmement important de penser en fonction de cela. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas... On est rendu à un point où on est tellement disparate qu'on parle d'extraterrestres, on parle d'intervention supplémentale, on parle de plusieurs choses. On va continuer à en parler parce que énergétiquement, c'est important, c'est utile. Sauf qu'à travers toute cette mécanique au complet, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus du tout où on en est. De ce fait, on se pose une question, ou on peut se poser, je peux même la poser, qui es-tu? Puis, on parle cosmiquement. L'individu a plein d'informations, puis l'individu ne peut rien faire avec l'information, l'individu est trop fragmenté. De ce fait, si on part à zéro, tous les petits morceaux vont pouvoir se placer en ligne. Et quand on parle de partir à zéro, ça veut dire se calmer. Ralentir. Je disais tout à l'heure de bloquer la roue évolutive, oui. Astralement, présentement, sous contexte sanitaire, les choses vont tendre à arrêter. Les forces supplémentales vont s'opposer à la circulation dans un sens de la roue astrale, donc de la vie. Le temps où ça va s'arrêter, ça va durer entre un an et demi, ça permet à tous les individus qui sont là de pouvoir changer de place. La force centrifuge qui leur ôtait leur libre arbitre, qui les accolait dans une vie déjà stéréotypée, va disparaître parce que le plateau va arrêter. Les individus qui ont juste suffisamment d'énergie pour ne pas se dire « Ah, ben maudit, ça va bien, tu vas dormir ici. » Les individus pourront se lever et changer de place. Changer de place veut dire ne pas amener avec soi tout ce qu'on veut quitter. Donc, on doit repartir neuf. Et là, rester pur tout au long de l'ascension. Puis quand la roue va recommencer progressivement à circuler, on va pouvoir se placer. Exactement comme, c'est une vision que je donne, mais c'est des choses comme ça qui vont arriver. Tu pars d'un endroit sur le plateau et il y a des ennemis qui te suivent. Tu as de l'avance, tu vas te placer quelque part, tu te rends compte qu'ils sont en train de se bâtir une machine pour monter où tu es. Le plateau va commencer à tourner dans l'autre sens, et progressivement, la force centrifuge va revenir, puis quand ils vont approcher suffisamment de toi, toi tu peux dormir. La force centrifuge va commencer à s'accélérer, ils vont commencer à te rejeter. Ils vont se remonter où ce qui était avant. Parce qu'ils n'ont pas la forme pour rentrer dans un trou qui va les maintenir. Quand on parle de pureté, c'est toujours la même chose. Quand on parle de mérité aussi, on parle d'esthétisme, on parle d'aristocratie, on parle de chevalerie planétaire, on parle de mérité. Cela veut simplement dire qu'il y a des formes vides, des trous, à combler quelque part au niveau énergétique. Si vous avez la forme qui comble le trou, vous allez pénétrer dans le trou, vous allez rester dedans. Est-ce que l'exemple du plateau, il est le trou ou sa place, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est les rapports avec l'état de la personne ou la fonction de la personne ou les deux? L'état d'une personne énergétique est nécessairement va déterminer sa fonction. Donc, c'est uniquement en rapport avec l'état. C'est pourquoi je dis souvent qu'une personne peut avoir tel rôle à jouer, mais probablement que sur le plan planétaire, il y en a 8 ou 9 ou 15 ou 20 qui ont le même rôle à jouer, puis on ne sait pas lequel va jouer le rôle. Il faut comprendre certaines choses que souvent les personnes ont de difficultés à saisir, c'est qu'il y a l'astral qui domine les choses, donc on peut par exemple en étant médium, voyant, etc., lire dans l'astral, connaître l'avenir, ce que les prophètes ont fait, mais il y a beaucoup d'erreurs parmi ce que les prophètes ont dit. Et il y a l'intervention supramentale qui, elle, nous permet, quand on va dans le plan supramental, de connaître l'avenir. La problématique, c'est qu'il y a deux avenirs. Il y a un troisième avenir, c'est l'alliance entre les deux. Alors dans l'astral, quand tu prévois, tu te trompes, puis dans le plan supramental, quand tu lis, tu te trompes. Et l'alliance entre les deux n'est pas ni dans le plan supramental, ni dans le plan astral, donc tu ne peux pas le connaître. Ne pouvant le connaître, tu ne peux pas t'en servir. Ce qui fait que l'humain doit s'arranger pour embarquer plus rapidement possible dans un des plans. Il ne peut pas rester entre les deux. Donc, tu ne peux pas rester un animal humain avec de la conscience. Parce que là, quel est ton avenir? On verra. Si tu es un animal humain, on peut te dire quel est ton avenir. Il n'est pas nécessairement rose. Si tu es un être humain, ou disons un être ou un surhomme, et bien là, on pourra te parler aussi d'une forme d'avenir. Tant que l'être humain est entre les deux, ça ne se fait pas. Et souvent, le mental fait un choix, l'astral ne l'a pas fait, toujours une question de manque d'énergie. L'individu doit ramasser de l'énergie, l'énergie se ramasse physiquement par des pratiques, l'énergie se ramasse vitalement par des pratiques, l'énergie se ramasse astralement par des pratiques et mentalement par des pratiques, supramentalement aussi. Mais l'énergie se ramasse surtout si on cesse de perdre son énergie, donc la base même est de cumuler son énergie, de cesser de la perdre, et progressivement de manipuler, de reprogrammer des structures qu'on a chez soi. Reprogrammer des structures biologiques, donc rejouer avec le code adénique, reprogrammer des structures vitales, donc jouer avec les réincarnations vitales planétaires, reprogrammer les structures astrales, reprogrammer toute l'intervention réincarnationnelle du passé, reprogrammer les structures mentales de façon à ce qu'elles logifèrent, de façon à ce qu'elles analysent le neuf, et pas uniquement le vieux. Et cela se fait par des techniques, cela se fait par des applications, par des attitudes pratiques. Dans la vie, la façon de marcher, la façon de respirer, la façon de parler, la façon de regarder. Tout cela détermine l'individu qui devient un condensateur d'énergie de l'individu qui est un rayonnateur, ou un dispersateur ou un dispensateur d'énergie. Et c'est pourquoi on doit développer de l'attitude. La première chose qui contient de l'énergie est une forme, une onde de forme. Donc, la première onde de forme est nécessairement le corps physique. La deuxième onde de forme sera le corps vital. La troisième, le corps astral. Qu'est-ce que c'est? C'est l'âme. Mais l'âme est contenue dans l'onde de forme du vêtement. Le mental aussi, mais l'âme aussi. L'âme est contenue dans la forme de communication, l'engueulade, le chiolage, etc. On perd ou on gagne. Il y a une construction qui doit être faite, exactement comme si l'être humain doit aller à une école où on va former le surhomme. Donc, il entre là avec les capacités, les caractéristiques planétaires et génétiques et évolutionnaires qui font partie de ceux des candidats admissibles. Et une fois qu'il est là, on doit lui montrer à tout faire. Et se montrer à tout faire, il est l'être humain qui rentre à l'école va normalement déjà être en accord avec l'idée, mais il n'aura pas eu l'énergie nécessaire pour être capable de descendre l'idée. De ce fait, on va lui suggérer l'idée, on va l'instruire, et lui, pour appliquer l'idée, parce que c'est évident que je peux te donner une cloche, mais si tu ne la sonnes pas, tu ne l'entendras pas. Donc, on peut instruire un individu. Si l'individu n'applique pas, ça ne veut pas dire que l'instruction n'est pas bonne, ça veut dire que l'individu n'est pas bon. De ce fait, dans une académie convenable, nécessairement, tu ne donnes des cours qu'à ceux qui sont capables de réussir. Sauf de l'énergie. Comme ça, il n'y aura pas personne qui va se plaindre. Alors, je reviens encore sur le rôle. Est-ce que mon rôle, c'est d'atteindre mon l'état? Aussi, il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a certains individus qui ont un rôle à jouer et qui... Ils doivent arriver à faire un cheminement pour comprendre qu'ils ont ce rôle-là à jouer et non d'autre chose. Bon, on va parler de quelque chose d'intéressant. Le premier rôle qu'un humain a à jouer est un rôle qui dépend de sa race, qui dépend de sa collectivité. Alors, il y a beaucoup d'humains sur le plan planétaire qui ont un rôle à jouer uniquement en fonction de leur peuple. Si le peuple, par exemple, rentre en guerre sainte, la majorité des individus auront maintenant un rôle à jouer qui est le rôle de purification du monde, des forces du mal. Mais le rôle a une incidence uniquement que si le peuple a le même rôle. On appelle cela un rôle collectif. Donc, chaque individu a le même rôle, le rôle collectif. Ce qu'on doit comprendre, c'est que même dans l'évolution supramentale, les individus... J'expliquais au PMC+, qu'on ne peut pas prendre de l'énergie mentale, par exemple, pour gérer de l'énergie astrale. On ne doit pas prendre de l'énergie astrale pour gérer de l'énergie vitale. On doit gérer le corps vital en fonction des lois typiques à l'énergie vitale. On doit gérer le corps physique en fonction des lois typiques au corps physique, etc. Donc, on ne peut pas s'opposer à une intervention astrale si on n'est pas des contrôleurs des forces astrales. Cela veut dire que l'individu qui est en conscientisation doit nécessairement devenir être totalement individuel. Mais, bon, prenons un exemple. Quand on n'a pas de libre-arbitre, et quand on parle d'individualité, on parle d'une individualité au niveau de la conscience. Cela veut dire que individuellement chez vous, sans demander de conseil et sans demander l'opinion de personne, Vous décidez si c'est oui ou non, vous entrez dans une ère nouvelle ou si vous restez dans l'ère ancienne. Ou bien, vous restez manipulé à ne pas savoir. Mais on ne peut pas demander à autrui ce qu'il en pense. Maintenant qu'on a décidé, autrement dit, il y a une gang et il y a une gang. Deux collectivités. Une collectivité qui vit dans un monde neuf, une collectivité qui vit dans un monde ancien. Quand on choisit d'être là, on rentre dans une structure évolutionnaire collective. Quand on choisit d'être ici, on rentre dans une structure évolutionnaire collective. Puis quand on choisit pas, on est nécessairement ici, dans l'ère traditionnelle. Bon, tu ne sais pas si tu sors ou si tu rentres. Et est-ce que tu es en dedans ou dehors? Je suis en dedans. Mais si tu ne le sais pas, tu restes en dedans. Si tu es dehors, tu restes dehors. Alors, quelqu'un qui dit « je ne le sais pas », il n'est pas entre les deux. Bon. Alors, comme on est dans l'ère ancienne, si tu ne le sais pas, tu es dans l'ère ancienne. Tu restes où ce que tu es. Exact. Alors, ou tu décides de passer, ou tu décides pas, ou tu ne sais pas où tu hésites, ou tu décides de rester. Ça arrive au même. Ce que l'humain doit comprendre, donc, c'est qu'il n'y a personne qui va s'en sortir s'il n'est pas assujetti à une collectivité. On parlera de race, on parlera d'élu, on parlera de ce qu'on voudra. Bon. Mais la collectivité est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la collectivité, c'est la façon de réunir suffisamment d'énergie dans un contexte évolutionnaire planétaire pour être capable de contrer les agressions des masses astrales qui ont été engendrées par le passé. Bon. Quand je parle de magicien, on parle de réunion énergétique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une forme de confrérie, il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que les individus vont être capables de se réunir. Par goût? Par énergie, par goût énergétique. OK. Par intelligence. Sauf que l'individu qui reste mental, il se dit tout le temps, oui, mais moi, je ne veux pas être dans aucune gang. Il n'est pas dans un groupe. Mais l'individu qui ne veut pas être dans aucune gang, astralement, il est dans la gang de ceux qui ne veulent pas être dans aucune gang. Parce qu'à l'instant où il y a deux individus qui ne veulent pas être dans aucune gang, automatiquement, il y a un groupe. Et astralement, ils seront réunis ensemble. Bon, il y a des personnes qui se réunissent régulièrement pour synthétiser. Ils font de la synthétisation mentale. Ce sont des individus qui ont échappé à ma structure évolutive et qui ont échappé à la structure évolutive de l'autre. Alors, ils se réunissent ensemble, ils déblatèrent contre les deux côtés. Eux, ce sont les seuls réels, ce sont les seuls individuels, ce sont les seuls qui ne sont pas collectifs. Et c'est une gang qui sont d'accord là-dessus. Bon. Ils ont leur égrégore et... Absolument, ils sont exactement dans la même mécanique que n'importe quel groupement. Ce n'est pas la forme, c'est la façon dont on joue avec la forme et la façon... Et simplement, est-ce que c'est la forme qui contrôle ou c'est l'homme dedans qui contrôle la forme? Une société qui a des lois est une société correcte. Si la loi contrôle l'humain, il y a un problème. Si l'humain contrôle la loi, ça va bien. Sauf qu'il faut évidemment que l'humain soit intelligent. La loi est là pour servir l'homme et non pas pour asservir l'homme. Alors, ce n'est pas une question de forme. Donc, l'individu qui fait un choix doit nécessairement s'allier. Plus il y aura d'individus qui vont être alliés dans un côté, plus cela va créer une augmentation de masse. Plus il y aura augmentation de masse, plus il y aura augmentation d'attraction, plus il y aura augmentation d'attraction, plus il y aura augmentation d'énergie. Plus il y aura augmentation d'énergie, plus il y aura augmentation de conscientisation, de solidification, de cristallisation de conscientisation. Et plus il y aura d'énergie, E étant égal à MC2, ben plus il y aura d'énergie, plus la masse sera grande, plus il y aura rapidité de déplacement. Et plus il y aura augmentation de l'attraction, donc plus il y aura d'énergie, plus il y aura de masse, plus il y aura, etc. C'est synergétique, et c'est exponentiel et ça continue. Sauf que l'individu qui décide, et c'est ce qui doit être empêché, sans travail, sans effort, c'est ce qui doit être créé, une alliance. Chaque individu doit avoir la capacité de s'allier. Et c'est ce qui va déterminer la race des élus. C'est leur capacité de s'allier. La capacité d'alliance est une capacité d'esthétisme, une capacité d'intelligence, une capacité d'écologie, c'est une capacité d'économie d'énergie. Je ne vois pas pourquoi je pousserais mon automobile seul alors qu'on est 15 ici, puis on peut tout la pousser ensemble. Ça devient logique. L'alliance, c'est ce qui va déterminer premièrement le peuple qui aura la capacité d'instruire les autres peuples par la suite, et c'est l'alliance et la mécanique, l'attitude mentale qui va déterminer les individus qui seront sauvables, transportables. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une école de yoga et vous voulez sauver l'humanité. Impeccable! Il y a des individus qui ne peuvent pas faire de yoga. Il y a une école ailleurs qui est une école men-fille, par exemple. Elle peut aider les gens qui sont alités. Alors que le yoga peut peut-être pas. Et là, le yoga va venir dire, oui, on peut, nous aussi, les mouvements sont adaptables. Oui, c'est vrai. 5% de vos mouvements sont adaptables à quelqu'un qui est alité. Alors que 100% du men-fille est adaptable à celui qui est alité. On devrait créer une alliance. Il y a des individus qui auront besoin de bouger, ne bénéficieront pas du menfi, on leur fera faire du yoga. Et il y a des individus qui ne peuvent pas faire du yoga, on leur fera faire du menfi. Si les deux disent, ah, ben ça m'aide à eux, créer une alliance. Pas nécessairement une fusion, une alliance. Chacun reste maître de ce qu'il est. Mais quand on rencontre quelqu'un et qu'on se rend compte que le yoga, c'est pas pour lui, on lui dit, écoute, va faire Menfi. Ah, en fait, un vent. Non, c'est une autre école. Moi, ce que je te dis simplement, c'est que si tu veux acheter notre produit, ce n'est pas bon. Karmiquement, toi et moi, on va payer le prix. Ça ne sert à rien. On ralentit l'évolution de toute la structure planétaire. À cause de deux individus, à cause d'une attitude. Elle instruit l'astral, puis elle va finir par colorer d'autres individus. Votre attitude neuve va faire en sorte qu'à un moment donné, il y aura des millions, des milliards d'individus qui auront la même attitude. Alors, effectivement, c'est pas toi, là. C'est ce que tu crées dans l'astral qui est important. Ça, c'est une alliance. Jusqu'à date, ailleurs sur la planète comme ici au Québec, les alliances sont impossibles. Quand les individus commencent à évoluer, les alliances deviennent impossibles. Quand les individus décident d'aider, les alliances deviennent impossibles. Alors, on a énormément de difficultés dans les alliances. Et la seule façon de créer des alliances chez l'humain, ça ne doit pas être la raison chez l'homme nouveau, c'est par la guerre. Alors, on va faire à un moment donné, l'acupuncture est totalement contre la chiropratie, qui est totalement contre les médecines douces, qui est totalement contre l'homéopathie. La médecine est contre tout ça. Ils vont créer des alliances ensemble contre la médecine. Mais c'est une alliance tactique. Ce n'est pas une alliance énergétique. La journée que tout sera légalisé, l'acupuncteur dira à un patient, « Allez pas voir l'homéopathe. Il ne pourra pas vous aider. » Il y a des exceptions. La majorité diront cela. Donc, il n'y aura jamais eu d'alliance énergétique. L'alliance est extrêmement importante parce qu'elle permet de multiplier les résultats en divisant les efforts. Dans l'ère qui vient, les alliances sont essentielles. De temps en temps, les gens me disent, « Oui, mais regarde, au Québec, il y a deux personnes qui communiquent l'énergie supramentale. Comment ça se fait que vous n'êtes pas ensemble? » Il y a pourtant une alliance. Il y a pourtant une très grande alliance. Il y a même plusieurs alliances. Il y a des alliances énergétiques, les gens ne peuvent pas voir. Bon, parfait. Il y a des alliances vitales, les gens ne peuvent pas voir encore. Il y a même des alliances matérielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des contreparties. Ce groupe, par exemple, qui travaille uniquement dans un processus évolutionnaire, qui n'est pas celui qui est accompli par les gens qui suivent, par exemple, la structure PMC, ce groupe travaille uniquement dans les finances. Les individus sont malades, les individus sont faibles, les individus n'ont pas de joie de vivre. On ne parle pas de la tête, on parle des individus qui suivent. La tête, eux, se mettent en forme, accomplissent des choses, voyagent, se relaxent, mais les individus qui suivent, eux autres, travaillent. Bon. Ils restructurent la façon d'intelligencer, de monnayer l'intelligence. Ils créent de nouvelles formes pour permettre le monnayement de l'intelligence. Par contre, ils ont formé, à un moment donné, un agglomérat d'énergie qui est devenu une société de portefeuille, une compagnie. Et cette compagnie réunissait les séminaristes et cette compagnie devait acheter des compagnies ou simplement détenir des actions dans des compagnies, si possible, former des compagnies à partir de l'intelligence créative des individus. Ce qu'ils ont fait, ils ont plusieurs compagnies. Aucune de leurs compagnies ne fonctionne. Mais ils ont plusieurs compagnies. Ils ont un peu d'argent, ça va, ça vient. Bon. Du côté PMC, il y a eu le groupe financier Investors 2000, qui est la contrepartie de leur groupe. C'est la même chose. Société de portefeuille, pas pour copier. Ça donne. Et on se dit encore, okay, il y a deux compagnies, tu sais, il n'y a pas d'alliance. C'est vrai exotériquement, c'est faux ésotériquement. Alors, à un moment donné, il y a des individus qui travaillent pour faire des alliances. Jusqu'à un moment donné où le groupe Investas, par exemple, devient actionnaire d'une compagnie qui est détenue en contrepartie par l'autre groupe. Donc, les deux maintenant sont actionnaires de la même compagnie. Et ça devient comme bizarre. Et personne ne s'en plaint, tout le monde est content. Et c'est une alliance matérielle. Et de plus en plus, il y a des structurations qui se font entre les deux groupes financiers qui deviennent propriétaires des mêmes structures de compagnie. C'est une alliance. Dans les deux têtes, toujours eu prêt pour l'alliance. Pourquoi il n'y a pas d'alliance publique? C'est parce que les individus qui suivent, s'ils ne sont pas suffisamment évolués, seront pris par une indécision majeure. Lequel des deux est meilleur que l'autre? Lequel je devrais suivre, des deux. Et parce qu'il y a une structure énergétique qui supporte un mouvement, il y a une structure énergétique qui supporte un mouvement, on ne peut pas détruire les structures énergétiques supportant les mouvements. De ce fait, exotériquement, il n'y aura rien. Ésotériquement, ça commence par la finance. Ça va, et ça a commencé par le plan supramental. C'est rendu matériellement même au niveau du plan de la finance. Et les deux organismes savent que si l'un des deux organismes commence à fonctionner, automatiquement l'autre va commencer à fonctionner. Mais il n'y a aucun des deux qui attend après l'autre. Mais les deux le savent. Et il y a énormément de structures comme ça qui tendent à amener une alliance. Il y a eu un temps où les individus étaient de plus en plus ceux qui sont à la tête des deux organisations, sont maintenant vibres, sont alimentés énergétiquement, sont nourris énergétiquement quand quelque chose dans l'autre organisation commence à fonctionner. Et c'est une alliance énergétique. Et présentement, c'est totalement authentique ce que je vous dis là. Ce que je veux dire, c'est que si quelque chose fonctionne sur le côté d'investors, l'autre côté sont totalement heureux. Ils baignent dans l'énergie. Chaque fois que quelque chose se met à fonctionner là, c'est la même chose ici. Il y a une euphorie qui se déclare ici, au niveau d'investors. Il y a donc une alliance. Les alliances se créent. La problématique, c'est que les alliances d'envergure sont pénibles parce qu'il n'y a pas d'alliance individuelle. Les individus ne sont pas encore capables, sur le plan planétaire, du côté PMC comme du côté de l'autre côté, les individus ne sont pas encore suffisamment énergétiques à la hauteur et au fait de l'énergie pour être capables de se créer des alliances entre eux. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance entre soi? Une alliance de l'ère nouvelle. L'alliance de l'ère nouvelle, on en a déjà parlé dans plusieurs conférences, et il y a une de ces conférences-là, à un moment donné, qui t'avait fait bouger d'une certaine façon particulière sur le métropolitain. Mm-hmm. Bon. Oui. Tu te rappelles? Voilà. On peut t'en parler? Oh oui. C'était comique. C'est tout à fait typique de lui. Alors, il y a eu un accident métropolitain, il a arrêté, il descend de l'automobile, il est allé voir, il a fait quelqu'un de blessé dans son automobile, il a dit, ce sera pas long, on va fermer de l'aide, puis je m'en viens t'aider. Je vais juste aller restationner mon auto ailleurs. Il rembarque dans son auto, puis il dit, crime, c'est pas une marasse, celui-là. Puis parti. L'autre, il l'attendait. Fait que le gars de l'Indien, c'était l'extraterrestre qui est venu, il m'a laissé tomber. Elle s'est rendue compte que je n'avais pas les yeux bleus comme lui. Mais il se passe quoi? Il se passe effectivement qu'il y a des mécaniques de gestion de l'énergie qui ne sont pas encore bien comprises par l'humain. Parce qu'on peut poser la question, est-ce qu'il devait aider l'autre? Il perd son énergie, il transfuse de l'énergie chez quelqu'un qui ne peut pas s'en servir. Puis si lui n'est pas là, nécessairement, mais là encore là, ça fait partie de la magie, nécessairement, il y a quelqu'un d'autre qui va venir le remplacer, mais quelqu'un ajusté à l'autre. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu donnes ta parole à quelqu'un, maintenant, il y a une alliance qui s'est créée. Là, il pourrait y avoir un problème karmique, une esthétiste qui est brisée. Il y a des petites choses comme ça. Apprendre à gérer. Et apprendre à gérer l'énergie, c'est des choses qui doivent se faire au départ. Ben, c'est évident. Tu n'apprends pas à aimer l'humain à la fin de ton cours de médecine. Tu peux apprendre à l'aimer avant. Parce que tu risques d'être engagé par Troisième Reich bien avant de finir ton cours. T'sais, là, je suis médecin. Je n'ai pas besoin d'apprendre à aimer l'humain. Je suis capable de faire de la chirurgie sans problème. Je suis capable de faire des expériences. Il a fallu que tu commences avant par la base. Les alliances, c'est quelque chose qui fait... Je vais vous donner un exemple d'alliance chez la franc-maçonnerie. Les francs-maçons, Freemason, les fils de l'homme libre, sont un organisme qui a été planétarisé rapidement. À un moment donné, il y a ici un général britannique qui est venu se battre et il a été capturé par les Mohawks de Kanawagé. Capturé par les Mohawks, eux s'apprêtaient à le torturer parce que c'est ce qu'on faisait avec les ennemis à l'époque, on les brûlait à petit feu, puis plus longtemps ils parvenaient à se laisser cuire sans crier, plus Dieu, enfin, leur Dieu était nourri, alimenté. C'est des sacrifices humains. On offrait ça aux dieux pour nourrir les dieux. Alors, ils ont attaché le bonhomme, ils sont apprêtés à le brûler. Et subitement, il a levé les mains comme ça, et il a placé les doigts vers l'avant, avant qu'on l'attache complètement. C'est un symbole franc-maçonnique qui dit à tout le monde que je suis franc-maçon. Il y a plusieurs façons de le dire. Pas toujours comme ça. Comme par exemple, si tu as la main dans les poches, avec trois doigts sortis, ça c'est le KKK, clan. Donc on sait que c'est partie du clan. Il y a plusieurs façons comme ça de procéder. Alors il lève les mains comme ça, il les met comme ceci, alors les Indiens, ils accrochent les mains, ils descendent en bas. Et là, il y a un grand chef Mohawk qui approche puis qui dit à tout le monde de le libérer. C'était un franc-maçon, Mohawk, qui avait été éduqué en Europe. Parce qu'à un moment donné, il y a des Indiens qui ont été amenés en Europe. Il y en a plusieurs qui sont venus ici, ils ont lâché les Blancs, ils ont fui les Blancs, ils sont partis, bon, et voilà. Alors, ce chef indien de Kanawagé dit à sa tribu de libérer le Britannique. on veut savoir pourquoi. Et lui, il dit que Dieu lui a dit que ce gars-là, il n'en voulait pas. Et que c'était préférable qu'on le redonne à son peuple. Alors, les Mohawks ont donc escorté les Britanniques jusqu'à une ville, Philadelphie, je crois. Et puis, enfin, assez près de là. Puis là, ils l'ont remis entre les mains des Blancs. Et ils sont partis. Le Mohawk en question était franc-maçon, le Britannique était franc-maçon. L'alliance franc-maçonnique a fait que même l'alliance tribale n'avait pas la puissance nécessaire pour détruire l'alliance franc-maçonnique. Et cela permettait quoi? Ça permettait à l'image de la franc-maçonnerie de devenir planétaire rapidement, parce que même les individus qui ont tout pour s'entretuer, s'ils sont dans cet égrégore énergétique, alors là, ils ne le font pas. Ça, c'est une alliance. Une alliance qui a été extraordinairement puissante par le fait que les francs-maçons étaient capables de mettre beaucoup d'énergie astrale dans leur égrégore. Et comment ils ont mis énormément d'énergie, aujourd'hui c'est beaucoup moins, comment ils ont mis énormément d'énergie là-dedans? Une façon, par exemple, que nous on pourrait faire pour mettre de l'énergie dans un égrégore majeur, ça serait faire comme les francs-maçons. S'ouvrir une compagnie de construction spécialisée dans la construction de cathédrales et d'églises. Alors, on pourrait placer tous les symboles que l'on veut dans les églises que l'on construit pour qu'une grande partie de l'énergie de l'église s'en aille nourrir les grégores de la franc-maçonnerie. Alors, c'était les maçons. C'est eux qui bâtissaient, c'était des bâtisseurs de cathédrales. Et puis aujourd'hui. Bon. Quand on parle d'alliance, l'alliance, c'est ce que ça veut dire. L'alliance, au niveau d'un peuple, les Juifs ont une alliance. La majorité des individus vont s'allier uniquement lorsqu'ils sont mal pris. C'est effarant de se voir aller faire un tour à Québec-Tenango, Panachel, c'est au Guatemala. Mais là-bas, ils appellent ça Québec-Tenango, c'est l'endroit où vit le Québécois. Alors, on descend là et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont des tavernes, des bars. C'est typique du Québec, remarquez bien. Et ils ont des commerces. Ils vivent tous très bien. Alors, on rencontre ces personnes-là qui parlent nécessairement français. Et... on demande qu'est-ce qu'ils font là, dans un pays comme ça. Ah, à un moment donné, ils sont arrivés ici, on voyageait, on fait, ils sont promenés un peu, globe-trotter, et puis il n'y a plus d'argent, puis ils sont ramassés au Guatemala, puis capables de vivre, fait qu'ils ont mendié un peu. Puis à un moment donné, ben là, ils ont fait ceci, cela, ils ont rencontré d'autres Québécois, puis ils se sont unis ensemble, puis ils sont aidés. Et là, présentement, ils sont riches. Ramenez-les au Québec, ils ne pourront pas faire d'argent. Non, ça, ils sont occupés à s'entre-déchirer. Une alliance commence comment? L'alliance commence comme ceci. On a déjà essayé au niveau du centre, à un moment donné, de l'université, de créer une alliance qui permettait à des individus de créer des synergies. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que une personne ici, par exemple, a un magasin de souliers, propriétaire d'un magasin de souliers. Alors, nécessairement, tout le monde va acheter ces souliers-là. Est-ce qu'il fait un rabais? Pas nécessairement. Mais tant qu'à dépenser notre argent ailleurs, on va le dépenser là. Mais nécessairement, si quelqu'un a une boulangerie, tous les gens vont acheter le pain à la boulangerie. Les Juifs font ça, les Italiens font ça, puis à Québec, Tenango, les Québécois font ça. Oui, mais sa bière est un petit peu moins bonne. Tu vas là quand même. Pourquoi je vais là quand même? Parce que, puis dis-lui que sa bière n'est pas bonne. Puis dis-lui que tu viens quand même. Et on peut améliorer les choses. Là, on parle d'une alliance qui se fait à un certain niveau. L'alliance va se faire à tous les niveaux. Et nécessairement, là, tu commences à créer des synergies. Mais c'est une alliance là, qui est pas, qui t'oublie de survie. Non, c'est une alliance de départ. Toutes les alliances qui sont faites sont des alliances de survie, exactement. C'est okay. Ça, je parle de celui-là. Là. Oui. Sauf que l'alliance qui doit être faite, une alliance, moi ce que je veux dire simplement, c'est que l'être humain, quand il est extrêmement mal pris, s'il est capable de créer une alliance, il s'en sort. Alors, pourquoi attendre d'être mal pris? Mm-hmm. L'humain qui n'est pas mal pris, s'il peut créer une alliance, il va faire comme les francs-maçons puis comme les Rose-Croix. Qui, eux, présentement, sont encore extrêmement puissants, mais il leur manque quelque chose, il leur manque un vecteur d'avenir. Ils avaient un rôle, ils avaient une vision, ils avaient une trame, jusqu'à un point où l'hasard va peut-être s'en aller. L'intelligence fondamentale vient chapeauter, vient continuer par la suite. L'individu capable de créer une alliance, le PMC+, est une façon de ramasser de l'énergie les individus en ramassent. Une synergisation, c'est un phénomène intéressant qui te permet d'aller chercher de l'énergie dans une banque. Plus tu en prends, plus il y en a. Et plus toi tu en prends, plus tu en donnes, et plus tu en donnes, plus tu en as. Ça augmente les deux côtés. Une synergie, c'est cela. Dans une alliance, ça permet aux individus de parvenir à faire des choses. La problématique, c'est qu'à un moment donné, on avait mis des cartes, et il y avait plus des commerces qui étaient d'accord pour laisser 10 ou 15 ou 20 de rabais à tous les clients qui venaient avec cette carte-là. Donc, les clients qui avaient une carte, les clients qui venaient au centre, une carte de client privilégié, lorsqu'ils allaient dans un magasin de fourniture de bureau, ils avaient 10-15 de rabais. Lorsqu'ils allaient chez un coiffeur, ils avaient 10-15 de rabais, etc. La problématique, c'est que les gens se disaient tous, oui, mais là, moi, là, il y a une fourniture de bureau à côté de chez nous. Fait que je ne peux pas avoir mon automobile pour faire 2 km d'aller chez l'autre là-bas. Il me donne 15 de rabais. On aurait dû. Pourquoi? Oui, mais regarde, avec l'essence, tu vas gaspiller et y aller, c'est peut-être pas le 15%. D'accord, mais va acheter une fois par mois ou une fois par année, puis quand tu vas acheter, va acheter. L'idée n'est pas là. L'idée est entretiens l'alliance. Pourquoi? Parce que plus il y aura de commerces qui vont se rendre compte que ça fonctionne, plus on sera capable d'aller chercher des commerces qui vont vouloir embarquer. Alors, à un moment donné, sans savoir pourquoi le commerce, il fait partie de rien, mais le commerce, quand vous pointez là, il vous fait un rabais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent là. Rien que pour ça. Alors, c'est exactement comme si on devient d'une importance particulière qui fait que même ceux qu'on ne connaît pas maintenant commencent à faire des rabais énergétiques. Cette énergie-là, elle reste dans l'alliance. Mais évidemment, les gens n'étaient pas énergisés pour comprendre le principe, ce qui fait qu'il y a eu quelques personnes qui en ont bénéficié, puis finalement, ça tombait là. Il y a eu d'autres formes d'alliance, à un moment donné, où on va dire les individus devraient se réunir pour s'entraider énergétiquement. La problématique, c'est que tous ceux qui ont besoin d'aide veulent, puis tous ceux qui n'en ont pas besoin ne veulent pas. Alors, tu te ramasses avec un petit groupe de têteux, puis là, évidemment, entre eux autres, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Et puis les autres sont pas là. Et là, on se dit, oui, mais moi, je suis pas pour descendre à... Dans une alliance énergétique, ce qu'on devrait faire simplement, c'est qu'on devrait regarder un individu et se dire, lui, effectivement, il est correct, il lui manque telle ou telle forme d'énergie. Alors, il devrait y avoir des individus qui vont se dire, bon, ben moi, j'ai, par exemple, une semaine par année, où c'est à mon tour. Je deviens le masseur, le disponible. Et puis, cette semaine-là, s'il y a des individus qui auraient besoin de personnes pour jaser, pour créer quelque chose, ben si c'est cette semaine, c'est ta semaine, tu y vas. Ça ne te tente pas, ça, on n'a rien à foutre. C'est une technique, c'est de la magie. Accomplis ta technique. Le reste de l'année, savez-vous combien d'énergie il va se ramasser au niveau d'un égrégore. Tout le monde va pouvoir en bénéficier. La problématique, c'est que ce n'est pas problématique de convaincre un individu lorsque l'égrégore est instauré. C'est de la partie. Parce qu'au départ, ça ne marche jamais. Au départ, il n'y a pas d'énergie. L'alliance, on parlait à un moment donné d'une supramentalisation mentale d'une forme astrale qui était l'AUM, AOM, qui est un terme que plusieurs personnes s'amusent à répéter. AOM, AOM, AOM, bon, c'est génial. C'est une correspondance vibratoire qui a la caractéristique de contenir à peu près toutes les harmoniques qu'un être humain peut prononcer de ce qui est créé dans le contexte planétaire. Ils disent ça, ils disent de l'univers, eux autres. Bon. Imaginez être capable de créer une alliance entre différents groupements, et quand ça commence par différents individus, qui va maintenant réunir toute l'énergie perdue par les individus qui prononcent « Aum ». Alors, il faut que ce soit l'alliance universelle du millénium. Il faut que ce soit « Aum ». En ayant comme symbole « AUM », qui est l'alliance universelle du millénium, c'est donc, tu prends toute l'énergie qui est dilapidée par les individus de toutes les écoles de yoga qui s'entretuent entre elles, et elle est réunie quelque part où elle ne sert à rien tant qu'il n'y aura pas quelqu'un à un moment donné qui va décider de ramasser ce bagage-là et de s'en servir. Comme je disais au PMC+, si nous créons l'égrégore, nous créons les clés pour ouvrir les portes. Alors que si nous nous associons à un égrégore, on ne connaît pas les clés pour ouvrir les portes. C'est un problème. Donc, comme tout à l'heure, je disais, toi, peut-être, tu aurais à travailler pour faire quelque chose, les autres vont bénéficier. Oui, mais si tu attends que les autres le fassent, tu vas en bénéficier toi aussi. En fonction de ce qu'eux vont pouvoir voudront te donner, parce que les clés, tu ne les auras pas, tu n'auras pas bâti les portes. Bon. Quand on parle d'alliance, le terme alliance est un terme extrêmement supramental, qui est employé dans le passé. Mais l'alliance, que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une union, où chaque individu reste ce qu'il est. Ce n'est pas une fusion. OK? Bon. La fusion, elle apparaîtra bien avant, parmi les collectivités qui n'ont pas de conscience individuelle, ou bien après, parmi les individualités qui garderont leur conscience individuelle, qui pourront se fusionner, parce qu'ils seront totalement énergiopathes. Il n'y aura rien de détruit. Alors que dans la conscience animale, plus il y a d'individus qui sont ensemble, plus leur quotient intellectuel ou leur quotient d'intelligence diminue. Alors que dans une alliance nouvelle, plus il y aura d'individus, plus ça doit monter. l'alliance synergétique. Exactement comme lorsqu'on se réunit deux, trois pour chasser, notre quotient d'intelligence monte. Les différents maudits de l'extérieur ou ils vont baisser. Par contre, on doit faire attention, donc, dans la création d'une alliance comme ça, pour y aller très, très progressivement, pour qu'à 15 personnes, on s'énergise, à 20, on s'énergise, à 25, on commence à perdre, à 20, à 30, on commence à descendre, puis à 100, on est prêt à tuer tout le monde. Alors là, c'est pas correct. Là, il fallait faire ce que les francs-maçons ont fait, créer des loges. Il fallait faire 15 personnes là, 15 personnes là, 15 personnes ici. Une personne arrive et dit, « Ouais, mais moi, je vais être dans ce groupe-là. » Toi, tu es dans le groupe qui commence, c'est ça? Dans ce groupe-là, tu vas être l'élément qui va te mettre toute l'affaire en terre. Alors, tu as plusieurs individus qui vont s'unir dans différents groupes. Et qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, s'il y a des individus intéressés, on vous expliquera ce qu'il faut faire. Ils s'énergisent, ils créent de l'énergie, ils s'énergifient. Et par la suite, à un moment donné, bien, il y aura des représentants des différents groupes qui peuvent se réunir, continuer à monter. Mais là, il faut que l'être humain apprenne ce que c'est que la magie. Donc, l'être humain doit savoir que, par exemple, les 15 personnes qui sont là, il y en a 14 qui se réunissent, puis ils se disent, on se réunit pour donner pour donner de l'énergie à une personne qui est dans un groupe particulier. Et les égos vont dire, ouais, mais là, on se fait têter. Si c'est synergétique, si c'est fait par l'intelligence, plus eux montent, plus eux montent. Si c'est de la sorcellerie, plus eux montent, plus eux baissent. Et ça assujettit les individus à suivre les maîtres. Quand le maître réapparaît, tu n'as besoin de celui-là, je comprends, tu as tout pris. Tu n'as besoin. Si tout augmente, les égos doivent être contenus, parce qu'une personne va dire, moi, ils ont plus besoin des autres. On est capable seul. Ce qui est encore faux. On a besoin de personne, mais on peut servir en maudit de tout le monde. L'alliance, quand on parle de phénomènes énergétiques au niveau d'évolution, sont des mécaniques qui sont extrêmement pratiques, et chaque fois qu'on parle de choses pratiques, souvent, les égos n'aiment pas ça. Parce que c'est pas assez haut. C'est pas une question de vous foudroyer énergétiquement, c'est une question maintenant de pouvoir employer de l'énergie. De temps en temps, quand les batteries sont prêtes à être chargées, là, on peut y aller énergétiquement. Il y a d'autres moments donnés où ça ne sert à rien, on perd de l'énergie. Ça ne vaut pas la peine. On est dans un temps où l'être humain qui est intelligent doit de plus en plus s'allier. On en a déjà parlé dans le passé. Il y a des structures qui ont été essayées, elles n'ont pas fonctionné. Il y a d'autres structures qui maintenant vont être réessayées. Il y a des structures présentement qui fonctionnent à plein. Qu'est-ce que c'est? Il y a des structures extrêmement ésotériques, d'êtres humains extrêmement intelligents qui sont totalement alliés et qui fonctionnent. Il n'y en a pas une, il y en a quelques-unes. Et les individus qui sont suffisamment esthétiques, aristocrates, je parle au niveau de l'énergie propre, seront à un moment donné appelés à faire partie de ces structures. Il y a un cheminement pour y aller. Puis le cheminement n'est pas un cheminement X, Y, Z, c'est une question d'énergie. Du jour au lendemain, l'individu peut passer de l'étape A à l'étape Z. Il y en a d'autres qui devront passer par B, C, D, F, M, O, R, puis Z. D'autres devront faire A, B, C, D, E, F, etc. jusqu'à Z. Puis il y en a évidemment qui vont faire A, A, B, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, bon. C'est sûr. Mais on peut faire souvent A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, Z. Oui, oui. C'est que l'A, B, C, D de l'évolution, c'est alcool, boisson, cul, drogue. C'est A, B, C, D. Bon. Pour l'animal humain, là. L'humanité, évidemment. Mais, évolutivement, il faudra trouver d'autres choses. C'est évident. A, anégoïsation. B, tantôt. Bravo pour la légalisation. Bon, c'est... Des conseils. L'être humain doit comprendre l'alliance. La première alliance, c'est une alliance envers soi. D'où transparence, d'où restructuration des corps physiques, comme on l'a vu au niveau du PMC+. L'être humain doit travailler une alliance avec d'autres personnes dans un but. Et quand je parle de but, cela veut dire de créer un égrégore. Tout à l'heure, on parlait encore de forme. La forme supramentale amène de l'illusion. Une illusion beaucoup plus fonctionnelle. L'humain, le mental, donc la mentalisation, qui dit, mais moi, j'en veux plus d'illusion. Tu verras plus rien. C'est comme de dire, moi, là, j'ai plus à voir l'image à l'écran. J'en vois le vrai arbre. Il n'y aura plus rien à l'écran, puis il n'y aura pas d'arbre non plus. L'écran ne peut amener que des images. Il n'y a rien à faire. Avec l'image, tu pourras apprendre des choses qui seront réelles, tu pourras pas apprendre des choses qui ne le sont pas. Mais tant qu'on est constitué de structures mentales, astrales et vitales et physiques, on aura accès qu'à de l'illusion. Mais plus l'illusion est ajustée et moins l'illusion a comme fonction de vous dominer, mieux elle est. Donc, on peut créer de l'illusion et si on la crée, on la structure de par nous-mêmes. Et dans l'illusion que l'on va créer, si on place des mécanismes qui font en sorte que jamais elle ne pourra nous contrôler, dans un égrégore énergisable par un axiome qui dit « l'homme doit être son seul maître », eh bien, on a tout ce qu'il faut pour créer un égrégore majeur, et on a tout ce qu'il faut pour que jamais l'égrégore puisse nous contrôler. parce qu'elle est créée à même une clé fondamentale qui force l'égrégore à vous rappeler que vous devez être votre seul maître. Ça crée une problématique chez l'ego qui, à un moment donné, pourra se dire, ben, j'ai pas besoin de personne. Mais si l'intelligence comprend la mécanique, t'as pas besoin de personne, mais sers-toi-en. Vous n'avez pas besoin de fourchette pour manger. On n'a même pas besoin d'armes à feu ou d'outils agricoles pour cultiver. On peut le faire avec nos mains. Oui. Rappelez-vous une chose que j'ai déjà dite il y a plusieurs années. C'est qu'on évolue. Il y a un paquet d'animaux humains dehors. C'est ceux qui font votre linge. C'est ceux qui font vos souliers. C'est ceux qui vous permettent d'être ce que vous êtes. Ils sont utiles en maudit. À un moment donné, j'étais assis dans un restaurant où il y avait un paquet de camionneurs qui mangeaient et qui sacraient. Bon. L'ego voit immédiatement là l'animal humain à son plus haut sommet. Ça parlait de fesses, ça parlait des paquets d'affaires, c'était vraiment pas génial. Et en même temps, l'intelligence descend pour ajuster l'ego, puis l'intelligence vient, donc moi, j'ai instruit l'ego de certaines choses. C'est que si ces camionneurs-là seraient tous évolués comme les gens du PMC, ben, il n'y aurait plus personne pour transporter les marchandises au Canada. Il n'y a plus personne qui voudrait aller passer sa vie sur un banc de camion pour s'en aller. Les troqueurs, les camionneurs, là, ça sera fini. Ce ne sera pas évolutif pour eux autres. Alors que c'est ces personnages-là qui font que notre nation est capable de se maintenir. On en a un maudit besoin. Vous savez, les maudits soldats, là, les caves, si la vie des autres vous intéresse, ceux qui ont embarqué là-dedans. Ben, une chance qu'il y en a présentement contre l'Irak. Il y a des personnes qui doivent être entretenues à des niveaux, mais chaque être humain doit être respecté pour ce qu'il fait cosmiquement et non pas pour ce qu'il pense qu'il fait planétairement. Les alliances dans l'intelligence, c'est une alliance qui part d'en haut et qui est capable de descendre jusqu'au méringouin. Alliance. Elle se fait par l'intelligence. Elle développe la chevalerie, elle développe l'aristocrate planétaire, le vrai. L'aristocratie supramentale. Mais elle commence chez l'individu. Et tant que l'individu n'a pas compris la mécanique, il y aura toujours de la lenteur dans l'évolution. Plusieurs parmi vous, vous vibrez ce que je dis. La problématique, c'est entre ce qui est vibré et ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à la vibration, c'est là que les individus décrochent. On est d'accord pour le résultat, on est d'accord pour la moitié du résultat. Mais souvent, il faut s'être là au départ. Est-ce que c'est parce que les gens ne dépassent pas le mental, le niveau mental qui fait en sorte que tu peux rien perdre et tout gagner? Les gens veulent cueillir, mais les gens ne veulent pas ensemencer. Alors les personnes se disent toujours, oui, mais moi je me cherche un groupe qui fonctionne réellement. Autrement dit, je me cherche un champ déjà poussé. Oui, l'année d'après, il faudra cueillir, il faudra ensemencer. Alors on aimerait avoir un groupe qui ensemencé pour les 30 prochaines années. Là, la problématique, c'est que ça existe. Mais les lois qui régissent le groupe ne sont pas nécessairement les lois qui vont vous plaire, vous. Vous n'avez pas participé à la création du champ. Et à un moment donné, bon, on pourra les faire évoluer. Après, c'est comme je disais à un moment donné, il y a des personnes qui rêvaient à OFSA et qui ont fini par penser que le village écologique du Verseau, c'était probablement beaucoup plus ça, OFSA. Mm-hmm. Surtout que nous, on demandait 5 000 $ à chaque individu pour pouvoir lancer quelque chose. Alors, c'était vraiment, vraiment exorbitant, ça n'a aucun sens, c'était bon. Ils ont été voir le village écologique du Verseau qui eux demandaient 100 000. Pour entrer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ils ne sont pas là-dedans non plus, parce que les lois qui régissaient leur intelligence ne sont absolument pas les lois qui régissaient le village écologique de l'ère du Verseau. L'être humain doit s'arranger pour accomplir certaines choses, et la seule façon d'accomplir ces choses-là est d'embarquer, c'est-à-dire, quand je dis embarquer, cela veut dire de créer une alliance énergétique entre ce que nous sommes, nous, ce que nous voulons être, et un médium entre les deux, une interface. Quelque chose qui va avoir la capacité de ramasser de l'énergie des deux côtés, de la digérer, de l'ajuster et de nous la donner. Un interpréteur. L'individu qui n'a pas la capacité de s'associer à cette... C'est exactement comme si vous vous dites, moi je veux jouer à la bourse, hein, mais je ne veux pas passer par aucun système existant déjà. Bon, d'abord, tu n'auras jamais d'écran chez vous avec ce qui se passe à la bourse parce que ça passe par des compagnies. C'est bien simple. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu lis pas les journaux non plus. Ça veut dire que tu t'en vas sur le parquet de la bourse, puis quand il lance des tapis, tu te dis, il faudra lancer moi aussi. On doit se connecter à certaines choses. Plus il y aura d'énergie, plus ça va se structurer dans le sens où on veut aller. si on refuse de s'associer à ces structures-là, on est automatiquement seul. Les gens qui un jour ont fait le séminaire, les gens qui ont fait le choix ou qui ont été manipulés à faire le choix de faire le séminaire, ont eu accès à une dose d'énergie, à une dose d'information évolutive, comme ils n'en auraient jamais eu accès s'ils auraient procédé différemment. Mais en faisant le séminaire, ils s'associent déjà. Ils s'associent à des conférences régulières, réservées aux séminaristes. Ils s'associent à des cours, réservés aux séminaristes. À des PMC+, réservés aux séminaristes. Ils sont toujours individuels. Mais ils font partie d'un groupe. D'un égrégore. Absolument. Là, ça veut dire que les gens, par exemple, qui décident, disons, ils n'ont pas décidé, là, mais... Mais disons qu'ils décident. Oui, c'est ça. Les gens qui décident de former une alliance, par exemple, je sais pas, les gens ici, 5-6... Alors, on dirait des gens qui s'allient. Des gens qui s'allient. Il faut vraiment qu'ils le sachent qu'ils sont en train de former une alliance. Et non, être ensemble, puis il faut le dire clairement, former quelque chose. Regarde la problématique. C'est que si on fait tout ésotériquement, la majorité des égos vont embarquer. Ils vont y croire. Si on explique clairement ce qui se passe, les mentales n'y croient plus, les égos embarquent plus. Mm-hmm. Alors, on peut dire à quelqu'un, il y a des mouvements extraterrestres présentement qui ont engendré une structure planétaire. Et dans cette structure planétaire, il y a quelques individus qui, eux, sont mandatés à l'échelle planétaire pour aller chercher d'autres individus, mais ils ne doivent pas communiquer la source extraterrestre pour la simple raison que les personnages vont vouloir embarquer uniquement à cause de la source extraterrestre et ils ne voudront pas embarquer uniquement pour ce qu'ils sont, eux. Alors, on ne le dit pas. Ouais, bon, mais les individus, eux, ce qui va arriver, la problématique, c'est que les personnes se cherchent toujours quelque chose d'inatteignable qui serait la source d'eux. Alors, si on dit aux individus, vous pouvez vous-même le faire, vous devez créer quelque chose sur la planète pour que vous méritiez, mais pas dans le sens du méritoire, pour que vous méritiez d'aller habiter dans une autre région. Exactement comme une personne essaie de faire le ménage dans un bordel, un taudis. Elle fait le ménage, elle frotte, mais les cochons frottés, il n'y a rien à faire, c'est vraiment cochon. Ben oui, mais à un moment donné, si on cherche quelqu'un de propre pour vivre dans un endroit propre, on prend celle qui fait le ménage. As-tu vu que ma guinzale, elle n'a pas le choix. Le système autour d'elle l'empêchait d'être propre. Mais elle avait l'attitude de l'être propre. Donc, ce n'est pas une idée, par exemple, « Hey, si vous voulez changer de place et être millionnaire, là, faites du ménage. » Allez, ils font tout du ménage. Oui, donne-leur 1 million $ par poste dans 5 ans, c'est aussi sale qu'avant, mais ça sera de la saleté plus riche. Bon. Ou de la poussière de carbone, sur de la poussière d'or. Mais c'est aussi sale. Les individus n'auront pas changé. Donc, on ne peut pas forcer, on ne peut pas vendre. On doit simplement intelligencer les choses. Les êtres humains doivent sentir suffisamment d'intelligence chez eux pour commencer seuls à vouloir se prendre en main. Après ça, ils seront peut-être un groupement de seuls leur dira, écoute, c'est vrai que nous autres, tu pourrais être seul beaucoup plus vite. Donc, tu pourrais être plus solide. Bon, solide. Alors, la personne, elle vient là. Mais là, ce groupement ici, eux se disent, ouais, mais nous autres, on est groupés, mais on est la tête des groupés. C'est une illusion. Ce qu'eux ne savent pas, c'est qu'il y a d'autres choses. Mais on ne peut pas vouloir créer un groupe uniquement pour rentrer là. Et c'est ce que l'humain ne comprend jamais. Prenons l'exemple. Il y a du mal sur la planète. Éliminons le mal, on va rejoindre Dieu. On ne peut pas éliminer le mal uniquement parce que le mal, c'est mal. Et la problématique, oui, mais quand on va l'avoir éliminé, on va faire quoi? Ben, Dieu va venir te chercher. Ah, bon! Et ça, ce sont de fausses raisons, ce sont des raisons spirituelles. Et la problématique, c'est que si l'on veut créer un égrégore qui ne manipulera pas les individus, on devra expliquer le processus de la magie aux individus. Mais expliquant le processus de la magie à des égaux qui, eux, se sentent médiocres, automatiquement, ils vont interdire d'appliquer la magie parce qu'ils vont se dire, c'est moi qui l'applique. Ça ne marchera pas. Et non, si un maître te dit, quand tu saignes, pense à moi, tu vas arrêter de saigner, ah, c'est de la magie, au bout. Quand tu saignes, pense à toi, ça va arrêter. Oui, non, il faut une poche, toi. Moi, j'ai quelque chose qui fonctionne. C'est quoi quelque chose qui fonctionne? Quelque chose que je ne contrôle pas. Et c'est ce qui arrive. Et ça crée la problématique de destruction de l'évolution. Un individu seul fait partie d'un égrégore, le sien. Son égrégore, il est faible. Il pourra le rendre puissant. Il peut le rendre puissant de deux façons. Le temps, l'alliance. Mais le temps, qu'est-ce que tu entends par temps? 2 milliers d'années. Ah bon. Mais même là, si l'alliance n'altère pas votre conscience individuelle, si le temps c'est 2 ans de plus, ça devient ridicule de ne pas s'allier. Si le temps, c'est 2 heures de plus, ça devient ridicule de ne pas s'habiller. Alors, si le temps, c'est 2 secondes de plus et tu ne t'allies pas, ben le temps, c'est 2 millions d'années de plus. Mm-hmm. Ce n'est pas l'intelligence, tu comprends de l'intelligence. De l'économie d'énergie. Il y a des individus qui, dans l'évolution, n'ont pas encore... Il y a plusieurs choses qui devront être cernées dans les temps à venir. Premièrement, c'est que vous avez la possibilité d'accomplir des choses que vous ignorez totalement. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on doit ramasser suffisamment d'énergie pour parvenir à être capable de supporter la conscience qui, de temps en temps, vient nous dicter ce qu'on aura à faire. Deuxièmement, c'est évident que l'être humain devrait être capable de s'allier. On en a parlé souvent de l'alliance. C'est pas quelque chose de neuf que j'amène aujourd'hui. Mais c'est de plus en plus évident, parce que plus les forces noires s'allient, plus le blanc doit s'allier. Et le blanc, dans le phénomène supramental mentalisé, ne s'allie pas. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il voit la perte de la conscience individuelle, alors que c'est faux. On ne perd pas la conscience individuelle en s'alliant. On la conserve. Par contre, on sera capable de la supporter beaucoup plus puissamment à cause de l'énergie. C'est une question d'énergie. Et l'individu devra nécessairement structurer convenablement dans l'ésotérisme tous ses corps planétaires avant de devenir un réceptacle convenable à un corps supramental, donc un double éthérique. De ce fait, on doit, et on doit faire ça souvent, regardez ceci, il y a une chose, à un moment donné, il y avait une technique que j'avais mise sur pied qui était l'élongation tendino-musculaire, qui était une adaptation d'un yoga conventionnel dans lequel j'avais ramassé les éléments les plus intéressants du point de vue du travail articulaire pour laisser circuler l'énergie vitale. Donc, on avait abandonné un paquet de formes et on en avait gardé quelques-unes. Quelques années après, je remets sur pied l'élongation tendino-musculaire dans une structuration de mouvement physique qui n'a jamais existé sur la planète. Ce n'est plus une adaptation du yoga. Et là, je discute avec certaines personnes et on est mal pris. On se dit, là, ce qu'on a, c'est parfait. Maintenant, si on dit aux gens qui sont rendus en PMC5 que l'ETM du PMC2 est 3, bien là, maintenant, il faudrait qu'ils abandonnent ce qu'on leur a montré et qu'ils fassent ça à place. Il y en a qui vont dire, crème, on s'est fait fourrer, ça aurait pu nous le dire avant. Et on ne le savait pas avant. Ben oui, on s'est fait fourrer quand même. Et là, nous, on se dit, c'est vrai, on devrait donc jamais leur dire, les laisser continuer tout croche, pour qu'ils chiolent jamais. Mais là, ils se fait fourrer. Puis prendre l'ETM, puis l'enseigner maintenant aux débutants. Puis dire aux débutants, parlez-en pas à ceux qui sont plus évolués que vous, parce qu'ils vont penser qu'ils sont fait fourrer. Ils auront raison. Les débutants vont nous dire, s'ils sont plus évolués, ils ne devraient pas chioler. Non, on devrait dire aux débutants, mais on ne leur dira pas ça. Mais s'ils en parlent, ils vont chioler les plus évolués. Et les débutants pensent évoluer, ils ne comprendront pas que les évolués chialent, ils vont penser que toute la structure n'est pas bonne. Alors, à un moment donné, on rappelle les gens, pour leur dire, écoutez bien, vous allez recommencer Kenvia. Ah, là, ils sont frustrés là. Comment on recommence ça? Ils pratiquent régulièrement. Oui, mais là, le Kenvia, ce que vous faites, il est bien meilleur. Et la problématique était, devons-nous, à un moment donné, nous interdire de changer et d'améliorer la structure uniquement parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont bénéficié d'une structure qui était très bonne, mais qui est moins bonne que celle qui est maintenant là. Et pourquoi on a amélioré la structure? C'est parce que les gens qui sont passés avant. On ne peut pas dire, crime, enseignez rien, puis quand vous serez prêts, enseignez-le. Mais pas que parmi les humains qui vont être morts avant qu'on aille trouver ce qu'il fallait. Donc on commence. Et quand on parlait, quand je dis souvent qu'il y a justement des choses qu'on doit revoir complètement, c'est que les choses, on les sont totalement restructurées en fonction de nos nouvelles, de nos nouveautés, de l'évolution planétaire, de l'évolution de la descente supramentale. Il y a déjà eu des structurations d'égrégores. Il y aura d'autres structurations d'égrégores. Il y a des personnes, à un moment donné, qui ont appris de la magie dans le PMC. Ils ont appris la prononciation du maître, qui est un rituel magique extraordinairement puissant. Mais on leur a montré comment s'en servir, alors que la majorité n'ont pas appliqué le comment s'en servir, et ils ont rempli une énergie, un égrégore. Cet égrégore, il est plein. Plein d'une énergie totalement mentale ou supramentale pure. Qui n'est pas encore utilisé. Certains personnages encore s'en servent pas. Il y a présentement des structures prêtes à recevoir des gens. Mais il faut que les gens soient prêts à créer les marches qui manquent pour aller chercher la structure. Et encore une fois, on parle d'alliance, mais quand je parle d'alliance, ça ne veut pas dire de s'embrasser. Quand je parle d'alliance, ça veut dire évoluer dans le même égrégore. Cela voudrait dire évoluer sous la même forme. Il y a un égrégore majeur dans le monde, qui est l'égrégore de ceux qui évoluent sous une forme qui porte le nom de conscience supramentale. Il y a un égrégore plus puissant, parce que plus contraint, plus comprimé, qui peut porter le nom de Grégoire PMC. Les individus qui sont consciemment dans une structure d'évolution créent une synergie dans la structure. Les individus qui sont inconsciemment dans une structure d'évolution bénéficient à 20% et nourrissent à 20%. Alors que l'individu qui en est consciemment là-dedans, donc qui décide que c'est vrai, que c'est correct et c'est convenable, comprenant la mécanique, eh bien lui va bénéficier de 60 à 80% ou à 100% dépendant de comment lui se structure, et il va nourrir de 60 à 80 ou 100% en fonction de la façon dont il s'en nourrit lui. On parle donc de synergie. Tu reçois autant que tu donnes, mais si tu ne sais pas comment donner, tu ne peux pas recevoir beaucoup. Et plus tu auras donné, plus tu y auras de quoi pour recevoir. Sauf que c'est comme les individus qui vont à l'église et qui prient, ils donnent. Ils ne savent pas comment recevoir. Vu qu'ils sont tellement conscients, il y a le bonjour là-dedans. On fait une pause et on revient.